بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc ça me fait plaisir, alhamdulillah, aujourd'hui de commencer un nouveau sujet et un nouveau livre. Et le livre qu'on va étudier ensemble maintenant, c'est le livre qui s'intitule At-taqlid wa hukmuhu fi dawi al-kitab wa sunnah wal athar as-salafiyyah. بتأليف الدكتور الشيخ وصي الله ابن محمد عباس المدرس بالمسجد الحرام في مكة والأستاذ بجامعة أم القرى في مكة. Donc c'est un sujet intéressant qui s'intitule At-taqlid. At-taqlid, je l'ai traduit par le suivi aveugle. Et en particulier le suivi aveugle d'un madhhab quelconque parmi les madhahib. Hein? Donc le suivi aveugle d'un madhhab et son jugement ou son verdict dans l'islam selon la lumière ou à la lumière du livre Al-Qur'an et de la sunna et des narrations des salafs salih. Et on va comprendre en lisant ce livre ensemble, beaucoup de choses qui sont reliées à ce sujet-là. Et une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire un cours sur ce sujet, c'est parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient beaucoup d'ignorance et beaucoup d'incompréhension au sujet du fait de suivre un madhhab. Et qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que ça implique? Et à propos aussi du jugement de la charia par rapport à ça, et le fait que certains parmi les jeunes aujourd'hui, certains d'entre eux sont arrivés avec cette nouvelle tendance de vouloir dire « nous on suit le madhhab » ou « on suit un madhhab ». Sauf que ils pensent qu'en disant « on suit le madhhab », que ça c'est quelque chose qui implique pour eux qu'ils vont opposer la da'wa des salafs ou la salafiyya d'une certaine façon. Comme s'ils veulent créer un contrepartie ou un contre-mouvement pour dire bon, il y a les gens qui appellent maintenant à la sunna et à la salafiyya, hein, et eux, soi-disant, selon eux, ils sont en train de faire n'importe quoi et ils sont en train de mélanger le vrai et le faux. Donc nous, pour opposer ça, on va ramener les gens au madhhab parce que selon qu'est-ce qu'ils prétendent, le madhhab il est plus clair, il est plus simple, il est plus il est plus correct et ainsi de suite. Donc on va voir, hein, on va décortiquer inshallah le sujet, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ces prétentions là. Et en même temps, on va clarifier les choses en apportant les explications et les paroles des ulama sur cette question. Et le livre en lui-même, il est composé de 13 sections ou 13 parties, si on veut 13 chapitres, et une introduction et une conclusion. D'accord? Donc, pour résumer, j'aimerais bien vous lire les différents titres des différents chapitres, pour commencer, pour vous donner une idée du contenu du livre. Donc, l'introduction, hein, c'est une introduction générale sur le sujet. Après, il y a At-Tamhid, hein, donc la préface. Et dans cette préface, il explique la définition du taqlid dans la langue arabe, et selon la terminologie des ulama de l'islam. Ensuite, Al-Fasl al-Awwal, le premier chapitre, la première partie, c'est Al-Farq bayn al-Ittiba' wa al-Taqlid. Donc c'est quoi la différence entre le suivi de la preuve et al-Taqlid, le fait de suivre aveuglément. Al-Fasl al-Thani, Nahyu al-A'imma an taqlidihim. L'interdiction des imams. Et même parmi les imams, même ceux à qui on a attribué un madhhab, parmi les madhhab. Même eux, ils ont interdit qu'on les suive aveuglément. Hein? Donc, on va rapporter leurs propos à ce sujet-là. الفصل الثالث عدم وجود التقليد المصطلح في خير القرون. Troisième chapitre, l'absence, hein, c'est-à-dire l'absence du taqlid qui a été établi selon la terminologie des savants dans les meilleures générations, les trois premières générations. C'est-à-dire que quand tu regardes la génération des sahaba, des tabi'in et des tabi'in, il n'y a pas de madahib, il n'y avait pas de madahib. Hein? Puisque ces madahib-là sont apparus, comme en particulier les quatre grands madahib actuels, sont apparus après l'époque des tabi'in. Quatrièmement, من يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ له. C'est-à-dire, à qui est-il permis de faire le taqlid, de suivre aveuglément, et à qui cela n'est pas permis. الفصل الخامس هل يلزم المسلم أن يقلد مذهبا بعينه. Donc le cinquième chapitre. Est-il obligatoire à un musulman de suivre aveuglément un madhhab en particulier? Ou est-ce que non? Ou est-ce que c'est pas obligatoire? Hein? Donc parmi les jeunes que j'ai entendus dernièrement parler de ce sujet-là, certains d'entre eux, ils disaient que de suivre, certains d'entre eux disaient que nous, on interdit de suivre un madhhab. On dit, les salafis, ils interdisent de suivre un madhhab. Et d'autres qui disent, pour eux, ils considèrent que c'est obligatoire de suivre un madhhab. Or, j'ai jamais entendu un savant parmi les ulama salafiyin qui a dit que de suivre un madhhab, c'était interdit. Hein? J'ai jamais entendu ça. Ce que j'ai entendu parmi les paroles des ulama à ce sujet-là, c'est que de suivre un madhhab bit-ta'assub, avec fanatisme, et de suivre aveuglément le madhhab au point où, lorsqu'on te présente un dalil qui te montre dans le Coran ou dans la sunna une preuve que la position de l'imam elle est contraire au dalil, tu vas rejeter le dalil et suivre la position du madhhab, c'est ça qui est blâmable. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu places la parole d'une personne qui est en dessous du messager d'Allah et tu la mets à égalité ou au-dessus de la parole du messager d'Allah. Alors dans ce cas-là, ça c'est clair que c'est madhmoum, que c'est blâmable et que c'est détestable et que c'est interdit. Et même certains ulama, ils disent des choses encore plus sévères et plus graves que ça là-dessus. Hein? Et on va y arriver à ça. الفصل السادس التعصب المذهبي. Le chapitre numéro 6, le fanatisme pour les madhahib, le fait de suivre les madhahib fanatiquement. Et des exemples de ce qui se sont produits, de ce qui s'est produit entre certains fidèles de différents madhahib qui ont causé justement de la division et de la fitna entre les musulmans à cause de qui ont divisé les musulmans à cause des madhahib par exemple. الفصل السابع وجوب احترام الأئمة وموقف المسلم منهم أو معهم. Donc le sixième chapitre c'est l'obligation de respecter les imams et la position du musulman avec eux. Hein? Donc ça c'est important. الفصل الثامن انتشار التعصب المذهبي. Donc le chapitre précédent c'est important. Le respect des imams. Parce que certains parmi les fanatiques des madhahib, ils essaient de faire croire que si on prétend ou on dit que certains des imams se sont trompés dans certains sujets, que ça c'est un manque de respect envers les imams. Hein? Alors que ça ne veut pas dire ça du tout. Et même que les imams eux-mêmes, lorsque un de leurs élèves ou un des ulama venait leur montrer une erreur qu'ils avaient commise, ils étaient contents de ça. Et ils se réjouissaient de ça. Ils ne prenaient pas ça comme une insulte ou comme un dénigrement de leur savoir, hein, ou de leur position en tant que savant. الفصل الثامن انتشار التعصب المذهبي في القرون المتأخرة. Le chapitre numéro 8, la propagation du fanatisme pour les madhahib dans les siècles dans les siècles plus tard, dans les siècles qui sont reculés, hein, c'est-à-dire à notre époque par exemple, c'est-à-dire les siècles qui sont plus éloignés de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs. الفصل التاسع أسباب التعصب للمذاهب والسعي لقضائه. C'est-à-dire les causes de ce fanatisme envers les mazahib et les efforts faits pour enrayer ce genre de fanatisme. الفصل العاشر مساوي التقليد والتعصب. Le dixième chapitre, c'est-à-dire les méfaits du taqlid et du fanatisme. Et الفصل الحادي عشر هل يستغني عن كتاب الله أو هل يستغنى عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمذاهب المدونة للعلم والفتوى. La section ou la partie 11, le chapitre 11, est-ce que on peut se passer du Coran et de la Sunna, du messager sallallahu alayhi wa sallam, en prenant la science et les fatwas directement des madhahib qui ont été documentés et rassemblés par écrit, hein, les livres des madhahib? Est-ce qu'on peut prendre les livres des madhahib puis se limiter à ça et se passer du Coran et de la Sunna dans la science et dans la fatwa? Ça, c'est une bonne question. Hein? Ensuite, le chapitre 12, رسم الفقه الصحيح للتربية والتعليم. Donc, c'est-à-dire le dessin correct pour apprendre le fiqh, pour l'éducation et l'enseignement. C'est quoi la bonne méthode? C'est quoi la bonne façon d'apprendre et d'enseigner le fiqh pour quelqu'un qui veut l'étudier? C'est quoi la bonne méthodologie, si on veut? Et الفصل الثالث عشر المخرج من الاختلاف. C'est-à-dire l'issue de la divergence. Comment on sort de cette divergence? Et الخاتمة, c'est-à-dire la conclusion de l'ouvrage. Donc, je pense qu'on va essayer de passer à travers ce livre et de voir dedans les explications pour essayer de comprendre bien le sujet. Et c'est possible que certains chapitres ou certaines sections, je vais me limiter uniquement à résumer certains points les plus importants. Ça veut dire que parfois, je ne vais pas nécessairement traduire toutes les citations et tous les exemples qui sont mentionnés, mais je vais essayer de résumer certains points parce que des fois, c'est peut-être parfois répétitif. Si je vois qu'il y a un point qui est essentiel à la compréhension du sujet, c'est certain que je vais pas le sauter. Hein? Donc on commence. Bismillahirrahmanirrahim al-muqaddima. Donc, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'introduction. Cheikh, il commence son livre par Khutbat al-Hajjah. Et c'est l'introduction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait et récitait dans les discours qu'il faisait, dans les khutab, dans les mariages et dans toutes les occasions importantes. Il disait Inna alhamdalillah, c'est-à-dire toute la louange certes appartient à Allah seul. Nahmaduhu, hein, on le glorifie, on le loue. Wa nasta'inuhu, et on lui demande son aide. Hein, à lui seul, on demande l'aide. Wa nastaghfiru, et on lui demande son pardon. Wa na'udhu billahi, et on cherche refuge en Allah. Min shururi anfusina, contre le mal qui est en nous-mêmes. Wa min sayyiati a'malina, et contre le mal et les conséquences négatives de nos œuvres. Man yahdihi Allah, celui que Allah guide, فَلَا مُضِلَّ لَهُ, personne ne peut l'égarer. وَمَنْ يُضْلِلْ, et quiconque Allah égare, فَلَا هَادِيَ لَهُ, eh bien personne ne peut le guider. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ, lui seul, sans aucun partenaire. وأشهد أن محمدا je témoigne que Muhammad صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله et son esclave et son messager. Ensuite, il récite les trois versets. Le premier, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah comme il mérite qu'on se préserve de lui. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Et ne mourrez excepté qu'en étant soumis et musulmans. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ Ô vous les hommes, préservez-vous de votre Seigneur. Celui qui vous a créé, الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا Celui qui vous a créé d'une âme unique. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Et de celle-ci a créé son épouse. De cette âme, il a créé son épouse. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Et il a propagé ou répandu de ces deux âmes beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes par la suite. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ Et préservez-vous d'Allah, celui par lequel vous demandez les uns aux autres. Celui par le nom duquel vous vous demandez les uns aux autres des choses. Et craignez également ou préservez-vous de couper les liens de parenté. Wattaqu al-arham. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes, Allah vous surveille. Il est un. Il y en a quelqu'un qui il est celui qui est raqib, c'est-à-dire il surveille tout ce que vous faites, il vous surveille dans ce que vous faites. Ensuite, il explique l'autre, il mentionne l'autre verset, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah et dites une parole droite. Sadidan. Yuslih lakum a'malakum. Il va réformer vos œuvres. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Et si vous faites ça également, il va vous pardonner vos péchés. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Et quiconque obéit à Allah et à son messager, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Il a certes réussi d'une immense réussite. D'accord? Et ensuite, il dit, وَأَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ Il dit ensuite, et certes, la meilleure des paroles, كِتَابُ اللَّهِ C'est le livre d'Allah. وَخَيْرُ الْهَدِي Et la meilleure guidance, Hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, c'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umur, et la pire des affaires, muhdathatuha, c'est les choses inventées dans la religion. Wa kulla muhdathatin, et toute chose inventée dans la religion, bid'a, c'est une innovation blâmable, et c'est une bid'a. Wa kulla bid'atin, et toute bid'a, ضلالة est un égarement. وكل ضلالة est tout égarement في النار est dans le feu. Donc, on a expliqué maintenant خطبة الحاجة. Là, on va rentrer dans l'introduction. Donc, le Cheikh il dit وبعد فقد أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فجاء صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا يتلو عليهم آيات الله وسنته ويزكيهم بهما حتى أصبحوا خير القرون بعدما كانوا في ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Donc le Cheikh il dit ensuite Allah a certes envoyé son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toute autre religion, même si cela déplaît aux mécréants. Et donc, il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux hommes, à tous les hommes sans exception, comme annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur d'un châtiment. Il leur récite les versets d'Allah et il leur clarifie sa sunnah. Et il les purifie par ces deux choses-là, le Coran et la Sunna, jusqu'à ce qu'ils soient devenus les meilleures générations, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à ce sujet dans le verset, dans Surat al-Jumu'ah, le verset 2, c'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé parmi les illettrés, c'est-à-dire les non-arabes, ceux qui n'avaient pas reçu de livre, un messager de par eux-mêmes, hein, qui leur récite ces versets, les versets d'Allah, et qui les purifie, et qui leur enseigne le livre et la sagesse, le Coran et la Sunna, même si, alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Il continue le cheikh en disant, تلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن جبريل عليه السلام وجبريل عن الله وجبريل عن الله عز وجل سندا عاليا وعملوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا أصولا وفروعا وكانوا المثل العليا في التسليم والتصديق. Donc il dit, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont donc reçu cette religion du messager, hein, sallallahu alayhi wa sallam, directement du prophète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, directement de Jibril. Et Jibril, directement d'Allah, avec cette chaîne directe et très élevée de transmission de la science, ils ont appliqué tout ce qui leur est venu de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans la pratique, que ce soit dans les fondements, ou que ce soit dans les branches de la science qui découlent de ces fondements-là. Et ils ont été les meilleurs exemples, hein, dans la soumission et dans l'acceptation de la vérité. Hein. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَهَلْ هُنَاكَ أَدَلْ على هذا من أنهم لم يشكوا في مسائل العقيدة والغيب ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وكيف ولما سمعوا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى لم نجد أحدا منهم وسوس إليه الشيطان في الإيمان به وتصديقه وكذلك جميع أمور الإيمان والغيب لم يشكوا فيها ولو لحظة واحدة. Hein? Donc le cheikh il dit, et est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus clair comme preuve pour établir ce principe qu'on vient de clarifier et qu'on vient de mentionner, qu'ils étaient l'exemple le plus élevé dans la soumission et dans l'acceptation de la vérité, hein? Et de croire en la vérité. Est-ce qu'il y a une preuve plus claire de ça? Qu'ils n'ont jamais douté dans une question parmi les questions de la croyance, ni dans les questions qui ont rapport avec le raïb, c'est-à-dire l'invisible. Et il dit, et ils n'ont jamais posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Et ils n'ont jamais posé la question au messager d'Allah, comment? Hein? Ils n'ont pas demandé à propos de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il le fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Ou à propos de Allah, comment il est? Ils n'ont jamais posé ce genre de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont entendu la parole d'Allah, Azza wa Jal, qui dit, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône, le verset 5 dans Surah Taha, ils n'ont jamais posé la question, hein, ils n'ont jamais demandé comment ou des choses de ce genre, et on n'a jamais trouvé aucun d'entre les sahaba auquel le shaitan serait venu lui inspirer ou lui suggérer des fausses idées dans sa croyance ou dans sa foi. De même que dans toutes les autres questions et les aspects de la croyance et de la foi et de l'invisible, ils n'ont jamais eu un doute en quoi que ce soit de ces choses-là, même pas un instant. وفي خلال 23 عاما حفظوا الدين كله وعملوا به تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وذهب إلى الرفيق الأعلى راضيا عنهم وهم مرضيون عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. Il dit, et pendant 23 années, ils ont préservé la religion en entier et ils l'ont mis en pratique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés sur une voie blanche et éclatante, aussi tellement claire que elle est illuminée le jour comme la nuit. Sa nuit est semblable à son jour. C'est-à-dire, c'est une route qui est tellement claire que même en pleine nuit, elle est aussi claire que en plein jour. C'est ça que ça veut dire « Layluha kanahariha ». Hein? Il dit « La yaziru anha illa halik ». Personne ne s'écarte ou ne dévie de cette voie claire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée, excepté celui qui périt. Hein? Il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il était satisfait d'eux. Et eux, hein, ils étaient également Allah subhanahu wa ta'ala était également satisfait d'eux. Donc ils avaient obtenu la satisfaction d'Allah et la satisfaction des messagers. Hein? Et également les croyants sont satisfaits d'eux aussi. وَكَانُوا أَخْشَى النَّاسِ لِلَّهِ وَأَبَرَّهُمْ قُلُوبًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحيم. Donc il dit le cheikh, ils étaient ceux qui avaient le plus de crainte d'Allah et ils étaient les gens avec les cœurs les plus bons. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge dans de nombreux versets dans le Coran pour montrer leur sincérité et leur foi et leur honnêteté, hein, et leur fidélité. Et un exemple de ça, c'est le verset 18 dans Sourate Al-Fath. Dans Sourate Al-Fath, le verset 18 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des Sahaba, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, hein, la sincérité et la foi. Et a fait descendre sur eux la quiétude et les a récompensés par une victoire proche. Donc ça, c'est un exemple. Et également, le cheikh, il a cité le verset 117 dans Sourate At-Tawba. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce qui signifie, certes, Allah a accueilli le repentir du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui des muhajirin et des ansar qui l'ont suivi à un moment difficile après que le cœur d'un groupe d'entre eux était sur le point de dévier, puis il a accueilli leur repentir car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Thumma taba Allahu alayhim. Allah a accepté leur repentir. Donc il dit le cheikh, بعدما غاب جسد النبي صلى الله عليه وسلم المطهر في ثرى طيبة الطيبة طيبة الطيبة بقوا صادقين على ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا. Il dit, et après que le corps du messager صلى الله عليه وسلم, après que le corps pur du messager du prophète صلى الله عليه وسلم eut été enterré dans la bonne terre de cette ville de Médine qu'on appelle Tiba. Hein? Ils sont restés sincères sur ce dans quoi ils avaient pris leur engagement avec Allah. Et ils n'ont pas changé dans le moindre point. Ils n'ont jamais changé jusqu'à leur mort. Il dit, إخلاص صادق لله ولرسوله واتباع كامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا من أحد قولا في دين الله إلا إذا وافق الوحيين ولم يعرف فيهم إلا تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على قلب رجل واحد لم يختلفوا في دين الله لقول أحد أو لفعله، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، وكانوا كما أراد الله منهم في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc ici le cheikh il décrit encore une fois les sahaba en disant que ils avaient une sincérité et une véracité envers Allah et envers son messager sallallahu alayhi wa sallam, et un suivi complet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'acceptaient la parole de quiconque dans la religion d'Allah, excepté si c'était en accord avec les deux révélations, le Coran et la Sunna. Sinon, ils le rejettent. Ils ne veulent rien savoir de la parole de quiconque dans la religion, excepté si c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Et on n'a jamais connu parmi eux, excepté le fait de suivre les narrations et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient sur un seul cœur. C'est-à-dire, ils étaient comme le cœur d'un seul homme, entre eux. Il n'y a pas de divergence entre eux. Et ils n'ont pas divergé dans la religion d'Allah. Et la divergence dont on parle ici, c'est-à-dire la divergence dans la croyance et dans les fondements de l'islam. Sinon, des divergences d'ijtihad ou d'opinion dans la religion, oui. Mais pas divergence dans les fondements ou dans la base de la croyance ou des choses de ce genre. Ça, c'est uniquement arrivé après par des gens d'innovation, par des mubtadi'ah. Et c'est eux qui ont ramené des divisions entre les musulmans. Sinon, les sahaba, ils sont restés comme un seul cœur, comme le cœur d'un seul homme. Ils n'ont jamais divergé dans quoi que ce soit, ni dans une parole, ni pour la parole de quiconque, ni pour l'action de quiconque. Et c'est ça. Et ils n'ont jamais cherché d'alliés en dehors d'Allah, ni en dehors de son messager, ni en dehors des croyants. Et ils étaient comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu d'eux qu'ils soient, c'est-à-dire des gens qui sont accrochés et cramponnés au câble d'Allah ensemble, tous ensemble, et ne vous divisez pas. Comme Allah il le dit dans Surat Al-Imran, le verset 103. وَبَسَطَ الْعِلْمِ Et même dans les disputes ou dans les désaccords qui est arrivé entre les sahabas, on a rapporté à ce sujet-là des histoires étonnantes. Du fait que même parmi, lorsqu'il y avait des désaccords à l'époque des sahabas et qu'ils ont fait des ijtihad qui faisaient que certains d'entre eux ont combattu d'autres pour certaines opinions qu'ils avaient, eh bien, même pendant ces combats, lorsque c'était l'heure de la prière, ils priaient ensemble. Non, même pendant ces combats-là, lorsque c'était l'heure de la salat, ils priaient ensemble. Ils ne faisaient pas deux jama'a, une seule jama'a. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas divisés dans la religion. Ils étaient divisés dans une opinion qu'ils avaient, une position qu'ils avaient prise, dans un ijtihad qu'ils avaient. Chacun pensait que la position qu'ils suivaient, c'était le haqq. Sauf qu'ils ne considéraient pas que les autres qui n'étaient pas d'accord avec eux, c'était plus des musulmans ou qu'ils étaient des égarés dans la croyance ou dans la religion. Non. Après, le cheikh il dit وَبَسَطَ الْعِلْمُ وَالدِّينِ سُلْطَانَهُمَا عَلَى قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَبِلَادِ الْإِسْلَامِ فأخذ التابعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علومهم وعقيدتهم وأعمالهم وأخذ الذين جاءوا من بعدهم ممن سبقهم بالإيمان وخرج في عهد الصحابة بعض من لم تكتحل أعينهم بنور النبوة ولم يتشرفوا بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم ناس ابتدعوا في دين الله عقائد باطلة قلدوا فيها المفسدين فاعتقدوا عقائد مخالفة لعقيدة السلف من الخروج والنصب والتشيع والرفض ولكنهم كانوا في القرون الفاضلة شراذمة قليلة مذؤومين مردودين من عامة المسلمين وعقيدة الكتاب والسنة كانت هي السائدة في الأمة. Donc le Cheikh il dit, puis la science et la religion ont imposé leur autorité sur le cœur des musulmans et sur les pays de l'islam. Et les tabi'oun, ceux qui ont, les élèves des sahaba, ont pris leur religion des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris d'eux leur science, leur croyance et leur pratique de la religion. Et des gens qui sont venus après les tabi'in ont pris d'eux aussi la religion de ceux qui les ont précédés dans la foi. Il dit, et ensuite l'époque des sahaba s'est terminée et des gens qui n'ont pas pris leur compréhension ou leur connaissance de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas eu l'honneur d'être des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus après et ils ont innové des choses dans la religion, et ils ont ramené des croyances qui sont fausses et ils ont suivi dans cela des gens corrompus. Des gens corrompus. Et donc ils ont cru en des croyances qui sont en contradiction avec la croyance des salaf al-salih. Et parmi les exemples de ça, le cheikh il a mentionné quatre. Al-khuruj, wal-nasb, wal-tashayyu, wal-rafd. Et ces termes-là, ça signifie quoi? Al-khuruj, ça veut dire le fait de se rebeller contre les dirigeants, al-khawarij. Donc ça, c'est parmi les sectes qui sont apparues après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-khawarij. Et al-nasib, al-nawasib ou al-nasiba. Al-nasiba, ce sont ceux qui dénigrent la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et al-tashayyu', ce sont les shi'a, ceux qui donnent précédence à Ali, radiyallahu anhu, sur يعني Uthman ou sur Abu Bakr et Omar. Donc il y a différentes catégories de Shia et différents degrés de Shia dans leurs égarements. Et Ar-Rafd, ça c'est la religion des Rafidah, une des sectes parmi les sectes des Shia qui eux insultent carrément et déclarent mécréants les Sahaba et également يعني, ils ont beaucoup d'autres position de coffre et d'égarement aussi dans leur religion. Donc ça, c'est des choses qui sont apparues à l'époque, au début, lorsque elles sont apparues, les sahabes étaient encore là. Et la preuve, c'est que Ali radiallahu anhu, il les a combattus. Par exemple, Ali radiallahu anhu, il a combattu les Khawarij. Et tous les sahabas étaient d'accord avec lui sur ça. Parce que les Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait averti contre eux déjà auparavant. Donc quand il a combattu les Khawarij et qu'il a trouvé les signes des descriptions de ces gens-là dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde était convaincu que ces gens-là c'était des gens égarés parmi les sahabas. Et il a combattu aussi les Shi'as. Et même qu'il les a, parmi certains d'entre eux, il les a fait même brûler vivants. Ceux qui ont dit, tu es Allah. Ils sont allés voir Ali, ils ont dit, c'est toi Allah. Et Ali, il a trouvé l'affaire tellement grave. Il a dit, ces gens-là, il faut les brûler. Et quand il les a brûlés, certains d'entre eux on dit, on est maintenant encore plus convaincu que tu es Allah, parce que tu nous as, parce que si tu nous brûles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne châtiez pas par le châtiment d'Allah, hein, parce que le feu c'est le châtiment d'Allah. Et Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, il a dit, si c'était moi, je ne les aurais pas brûlés parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de châtier par le feu. Naam. Donc il y a ce poème qui est célèbre, hein, de Ali radiyallahu anhu, qui dit, فَلَمَّا رَأَيْتُ الْأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرًا أَجَّجْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَمْبَرًا. Ça dit, quand j'ai vu l'affaire était tellement grave, j'ai allumé mon feu et j'ai appelé Qambara, mon servant, pour qu'il creuse cette fosse et qu'on les jette dedans pour les brûler. Donc il a été contre les idées de Abdullah ibn Saba et des Rawafid. Il les a critiqués et combattus aussi. Et An-Nasiba aussi. Tous ces gens, ces groupes-là, ils ont été combattus et rejetés par les Sahaba. Et même que Al-Qadariya, à l'époque, à la fin des Sahaba, à la fin de la période des Sahaba, les Sahaba qui étaient encore vivants, comme Abdullah ibn Umar et Abdullah ibn Abbas, ils ont condamné les Qadariya, ceux qui nient la prédestination. Hein? Donc beaucoup de sectes qui sont apparues déjà depuis les premiers siècles, déjà en partant, yani les Sahaba les ont condamnés et les ont déclarés égarés. C'est pour ça que le cheikh, il dit, lorsque ces gens de Bid'a sont apparus, hein, ils ont commencé à essayer de propager leurs idées. Sauf qu'ils étaient des petits groupes, des individus vraiment peu nombreux, qui étaient repoussés, rejetés par les musulmans. C'est-à-dire que la majorité des musulmans de cette époque étaient tellement, disons, plus connaissants de l'islam et avaient tellement plus de proximité avec l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que depuis qu'ils voyaient une bid'a, ils la reconnaissaient tout de suite. Et ils les rejetaient, ces gens-là. Ces gens-là ne pouvaient même pas propager leur bid'a facilement. Parce que tous les musulmans étaient au courant que qu'est-ce que ces gens-là enseignaient? C'était en contradiction. Et si un sahabi disait, celui-là c'est un égaré, c'est fini. Plus personne n'allait jamais les écouter. Parce que les gens à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein? Les sahabas et les gens de l'époque, les musulmans de l'époque, leur conscience et leur compréhension de la religion était beaucoup plus forte. Et leur foi aussi était beaucoup plus forte que les musulmans d'aujourd'hui. Et le niveau d'ignorance était beaucoup plus faible que le niveau d'ignorance aujourd'hui, qui est très grand en général chez beaucoup de musulmans, malheureusement. Et il dit donc, ils étaient rejetés par la masse des musulmans, et à l'époque, il n'y avait pas donc d'autres aqidas qui étaient générales, excepté la aqida du Coran et de la Sunna. Et c'est cette aqida-là qui avait le dessus dans la Ummah à cette époque. Les bid'ah n'étaient pas encore propagé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore des groupes ou des sectes organisés avec des mosquées, avec des centres, avec des imams, avec des du'as. Non, c'était c'était deux ou trois personnes qui s'organisaient entre eux puis qui essayaient de propager leur bid'ah. Il n'y avait pas encore c'était pas propagé en secte encore. Parce que pour qu'une secte elle s'organise, ça prend en général beaucoup de temps. Ça prend quand même, peut-être même plusieurs décennies, même des fois des siècles à cette époque-là. Hein? C'est pour ça que lorsque un innovateur apparaissait, sa bid'a, elle arrivait, des fois elle mourait tout de suite. Parce que les sahaba, ils détruisaient cette bid'a direct. Mais des fois, par exemple, certaines bid'a qui sont commencées, ça commençait tout petit. Puis après, ça grandissait jusqu'à ce que ça devienne, hein, quelque chose de plus grand par la suite, comme c'est arrivé à l'époque. Puis après, il y en a des bid'ahs qui sont grandis comme ça, qui sont mortes par la suite. Comme la bid'ah des Mu'tazila, il n'y a pas un groupe actuellement qui s'appelle Mu'tazila. Pourquoi? Parce que cette bid'a, elle a été détruite à l'époque de l'imam Ahmad. Mais il reste encore que certaines de leurs croyances sont propagées parmi les musulmans. Hein? Et il y a des gens aujourd'hui, il y a des groupes, dernièrement, justement, j'ai vu des groupes en France maintenant qui sont en train de s'organiser en association pour essayer de faire revivre la croyance des Mu'tazila. Hein? J'ai trouvé une association en France comme ça, elle s'appelle comme ça. Association pour faire revivre la voix des Mu'tazila. Hein, na'am. A'oudhou billah. Hein? Ouais, ils s'appellent les Mu'tazilites. Et il y en a qui appellent à une association qui appelle à une voie pour un islam éclairé. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Ces deux femmes, elles veulent faire une mosquée mixte. C'est-à-dire une mosquée où les hommes et les femmes ils prient ensemble, tous mélangés, et que la femme elle peut être imam, et qu'elle peut prier sans hijab, pas de problème. Celui qui ne veut pas le porter, il ne le porte pas. Puis, un islam, ils disent, dans l'islam, notre islam, il dit, il n'y a pas d'obligation. Chacun, il fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas parce que c'est obligatoire qu'on fait ce qu'on fait. C'est juste parce qu'on ressent le besoin de le faire. C'est-à-dire, déjà même le nom de la religion, l'islam, ça veut dire la soumission. Et eux, ils ne veulent pas être esclaves. Ils ne veulent pas être des esclaves, alors que dans l'islam, on est tous des esclaves d'Allah. Eux, non, ils refusent ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il a trouvé l'islam, il a trouvé la religion de l'islam, puis il a vu qu'il n'aimait pas ça, tel que l'islam est, tel que Allah l'a révélé. Il n'a pas aimé l'islam, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais prendre l'islam, mais je vais changer l'islam pour que ce soit quelque chose d'autre. Puis je vais continuer à l'appeler islam, même si ce n'est plus l'islam. Et je vais l'appeler l'islam éclairé. Hein? Donc ça veut dire en réalité, ce n'est pas l'islam, mais c'est qu'est-ce que sa passion lui a dicté. Et qu'est-ce que son shaitan lui a dicté, c'est ça ce qu'elle suit. Ils combattent l'islam au nom de l'islam. Nasallallahu al-afiyah. Non, c'est comme tu dis, c'est exactement comme les hypocrites. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle les munafiqoun. Exactement. Et tu vois que ces gens-là, comme les mu'tazila, ils rejettent les hadiths. Ils refusent les hadiths. Hein? Et ils sont tous associés avec le groupe qu'ils appellent... Il y a un groupe qui s'appelle la Fondation pour l'Islam de France. Ils veulent faire un islam qui respecte l'idéologie ou le mode de vie ou la mentalité des laïcs de France. Hein? Donc ça, c'est quoi ça? Hein? Ça veut dire qu'ils veulent judaïser et christianiser l'islam ou laïciser l'islam. Donc, « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Allah, il s'occupe de sa religion, c'est Allah qui la préserve. Et le cheikh il dit ensuite وكذلك في الفروع يعني كان بعض الاختلاف بينهم في المسائل الاجتهاديه وعند عدم النص من الوحيين ولكن لم يكن فيهم تعصب ولا تمذهب بمذهب احد بعينه. Donc le cheikh il dit de même que dans les différentes questions de la religion qui découle des fondements de l'islam dans les branches de la science, dans la religion. Il y avait parfois entre les sahaba et entre les tabi'in et les ulama des divergences sur certaines questions d'ijtihad. Lorsqu'il n'y avait pas un texte explicite, qu'est-ce qu'on appelle en arabe un nas? En arabe, on appelle nas, nun, sad, hein? Nasun. Le pluriel de ce mot nas, c'est le mot nususun. Nasun, nususun. Qu'est-ce que c'est an-nas? An-nas, ça ne veut pas seulement dire un verset dans le Coran ou un texte dans le Coran, dans la Sunna. Ça veut dire un texte explicite et qui n'est pas équivoque. soit dans le Coran ou dans la Sunna. C'est-à-dire, ça ne peut pas, c'est un texte qui ne peut pas, qui est clair et explicite, qui ne peut pas être interprété autrement que d'une seule façon ou de cette façon-là. Donc, dans les questions sur lesquelles il n'y a pas un os, alors il peut y avoir divergence entre les ulama. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un os. Hein? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des hadiths, mais les hadiths en question, peut-être que certains savants les comprennent d'une façon, d'autres savants les comprennent d'autre façon, ou bien il n'y a pas un texte explicite ou clair ou direct sur un sujet en particulier. C'est quelque chose de nouveau qui se présente. Les ulama, dans ce cas-là, font un ijtihad. Hein? Et la règle chez les ulama, c'est l'ijtihad ma'anas. L'ijtihad ma'anas. S'il y a un nas, on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. L'ijtihad est seulement et uniquement permis lorsqu'il n'y a pas de nas, lorsqu'il n'y a pas un texte explicite sur un sujet quelconque. Donc, les ulama, ils ont dit qu'il y avait entre eux des divergences dans les questions d'ijtihad lorsqu'il n'y avait pas un nas. Mais, malgré ces divergences-là, il n'y avait pas de fanatisme entre eux, de ta'assoub, le fait de vouloir s'attacher ou de s'entêter fanatiquement à une position et de la suivre aveuglément et de façon fanatique. Il n'y avait pas non plus de tamadhub, c'est-à-dire, ils n'allaient pas dire, bon, on suit la position d'un tel ou d'un tel, aveuglément, hein, en particulier. Donc, par exemple, parmi les sahaba, il n'y a pas un d'entre les sahaba que les autres sahaba disaient, bon, dans la religion, s'il y a une question, on retourne tous à l'opinion de Ibn Mas'ud. Tout ce que Ibn Mas'ud dit, on le prend. Hein? On prend son madhab. Ou bien le madhab de Ibn Omar. Tout ce que Ibn Omar dit, on le prend. On ne diverge pas avec lui. Ou le madhab de Ibn Abbas. Tout ce que Abdullah Ibn Abbas dit, on le prend. On ne diverge pas avec lui. Non. Il n'y avait pas ça entre les sahaba. Hein? Et il dit, وَجَاءَ الْأَئِمَّةُ الْمَشْهُرُونَ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْعِلْمِ والفضل والخير والصلاح والورع والتقوى والإخلاص والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فبثوا علومهم واجتهاداتهم وأرشدوا الأمة في نوازلهم ونشأ في أيامهم بعض أفكار التقليد والجمود والتعصب فنددوا به وشددوا النكير عليه وأمروا تلاميذهم ومحبيهم أن لا يقلدوا أحدا في دين الله بل يأخذوا بالكتاب والسنة فكان أتباعهم البررة على ما أرادوا رحم الله الجميع. Donc, il dit, hein, comme par exemple, souvent c'est des exemples, des fois on peut poser à ces gens-là qui appellent à suivre fanatiquement le madhab. Il y a des gens même qui sont tellement fanatiques dans cette question de madhab qu'ils déclarent kafir tout musulman qui ne suit pas un madhab. Naam. Et j'ai entendu par exemple certains parmi les ahbash, la secte des ahbash, hein, suivre le soufi Abdullah al-Habashi, un hérétique. C'est leur mosquée qui est sur l'avenue du parc, la mosquée Salahuddin. Ils font partie de ces gens-là. Ils disent, si tu ne suis pas un madhab, tu n'es pas musulman. Hein? Celui qui ne suit pas un madhab, il n'est pas musulman selon eux. Allahu al-Musta'an. Ça, c'est l'ignorance. Et donc, qu'est-ce qu'il explique le cheikh, donc on pourrait leur poser la question, est-ce que, par exemple, Abu Bakr, Siddiq radiallahu anhu, est-ce qu'il était Maliki, ou Shafi'i, ou Hanbali, ou Hanafi, Abu Bakr, Omar, Uthman, c'était quoi leur madhab? Hein? Kitab al-Sunnah. Ils n'ont pas d'autres madhab. Et ils ont des usul et des qawa'id tirés du Coran et de la Sunna. Ils les appliquent. À l'époque d'Abu Bakr, Omar et Othman, et Ali radiallahu anhum ajma'in, le khulafa al-Rashidin, il n'y avait pas encore de livres de fiqh, des livres de usul, des livres de tafsir, il n'y avait pas ça. Mais la science de ces sciences-là, elles n'étaient pas encore dans des livres ou sous forme de livres, mais elles existaient dans le cœur des sahabas. Sauf qu'ils n'avaient pas besoin, eux, de le mettre par écrit encore ou de les rassembler par écrit. Pourquoi? Parce qu'ils possédaient la connaissance dans leur cœur. Hein? Et ces principes-là, ils les comprenaient parce que le prophète Rasoul leur les a éduqués sur ces sciences-là. Et comment les appliquer? Et comment faire des jugements? Et comment extraire les verdicts des textes? Ils les avaient, hein, dans l'expérience et la connaissance qu'ils ont apprise du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette religion. Et comment comprendre et interpréter le Coran? Donc ils n'avaient pas besoin de livres. Les livres ont été écrits par la suite et les savants ont rassemblé ces sciences-là dans des livres pour être certains que la religion allait être préservée et que cette science-là allait être gardée et qu'elle n'allait pas se perdre avec le temps. Hein? C'est ça. Barakallahu fik. Donc l'exemple, hein, comme notre frère il mentionne, au début, hein, le Coran était récité. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait des nouveaux versets, il les récitait, les sahabas les apprenaient par cœur. Ce n'était pas nécessairement retranscrit par écrit. Puis ensuite, ça a été retranscrit sur différents médiums, différentes choses sur lesquelles ils ont retranscrit les versets. Hein, mais c'était pas encore là un livre. C'était des os de chameaux, des parchemins ou bien des choses comme ça. Hein? De la peau, des peaux d'animaux sur lesquelles ils écrivaient. Il y avait pas de, c'était pas sous forme de livre comme aujourd'hui là. Ça c'est venu après. Donc tout ça pour dire que yani, les sahaba n'avaient pas un madhhab en particulier qu'ils suivaient, excepté le Coran et la Sunna et les fondements et les règles qu'ils ont comprises de la religion, que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Puis sont venus par la suite les imams célèbres, hein, de qui on a témoigné à leur sujet de la science et du mérite et du bien de qu'ils étaient des gens qui étaient bons et qui avaient de la piété, hein, qui avaient at-taqwa, qui avaient de la sincérité et qui étaient honnêtes et sincères envers Allah, envers le messager, sallallahu alayhi wa sallam, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir cherché la science? Ils l'ont propagé, ils l'ont enseigné. Et ils ont enseigné également les différentes opinions et ijtihad qu'ils ont eues dans la religion. Et ils ont orienté la Ummah vers la droiture dans les différents événements et les différentes situations qui se présentaient chez les musulmans. Et ils ont grandi. Et il dit qu'ils ont continué dans cette voie d'enseigner et de propager la science. Et il dit qu'à leur époque est apparu certaines idées de taqlid, de suivi aveugle. Sauf que c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui, par exemple, ou qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Mais il y avait encore certaines petites idées de taqlid qui apparaissaient. Parce qu'en réalité, ça c'est, les êtres humains, ils sont comme ça malheureusement. Hein? Ils préfèrent des fois dire on va suivre aveuglément, plutôt que de faire l'effort de chercher la vérité par eux-mêmes. Parce que chercher la vérité, ça demande beaucoup d'efforts. Et des fois, on est paresseux, donc on préfère hein, prendre les choses qui sont déjà faites, déjà préparées, c'est plus facile. Mais de chercher toi-même les explications et les détails. Hein, copier-coller, c'est vrai, aujourd'hui c'est ça, copier-coller, c'est tout. Alors ça, ça demande de l'effort, de la patience, du temps et beaucoup d'énergie. Vous imaginez, les imams des salafs, comment ils ont étudié le hadith et comment ils ont mémorisé le hadith? Comment ils ont voyagé d'une ville à l'autre pour aller... il y en a qui ont parti de l'Andalousie jusqu'à Bagdad, jusqu'en Égypte, jusqu'en Yémen, jusqu'en Syrie, juste pour, hein, pour apprendre la science. Et c'est eux qui nous ont protégé et préservé la religion. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On n'a même plus besoin de tirer notre main pour aller prendre le livre dans la bibliothèque, si on a une bibliothèque. On a juste à prendre notre téléphone, aller sur Google, ou bien des choses comme ça, ou rentrer dans une application pour trouver un hadith, ou pour chercher un hadith, et yani, c'est devenu comme ça. Alors que eux, à l'époque, pour trouver ce hadith-là que toi, tu cliques là sur ton application, eux, ils ont voyagé pendant des mois et des mois pour aller les chercher, et en plus, pour les apprendre, les étudier, les mémoriser, les classifier, les organiser, les transcrire. Tout ce travail-là, le livre que tu vois de Sahih al-Bukhari, combien d'années il a pris pour le compiler. Et l'imam Abu Daoud, et l'imam al-Nasa'i, et l'imam al-Tirmidhi, et l'imam Ibn Majah, et l'imam Muslim, et l'imam al-Bayhaqi, l'imam... Il y a tous ces grands imams du hadith. Toute la science, tous les efforts qu'ils ont faits pour cette religion-là. Nous aujourd'hui, hein, on prend ça pour acquis. Hein? On se dit, ah, c'est facile tout ça. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh dit, on a vu apparaître certaines traces de ta'assoub, certaines traces de taqlid, certaines traces d'immobilisme, hein, djoumoud. Ceux qui veulent rester figés dans quelque chose, ils ne veulent pas changer ou accepter un changement dans les positions qu'ils ont. Fanaddadou bihi. Donc, quand les imams ont vu ça, ils ont cassé ça, ils ont brisé ça. Et ils ont condamné ça très sévèrement. Et ils ont ordonné à leurs élèves et à ceux qui les aimaient de ne jamais suivre quiconque aveuglément dans la religion d'Allah, mais plutôt de prendre la religion du Coran et de la Sunna. Alors, quand on regarde leurs élèves, hein, leurs bons élèves, hein, qui sont venus après eux, on voit qu'ils ont été tels qu'ils ont voulu. Rahimallahu al-Jami'. Et il donne des exemples. Il dit, « Fahad al-Imam Abu Yusuf wa Muhammad al-Shaybani yukhalifan shaykhahuma wa imamahuma fi thuluth madhhabihi kama dhakara al-ulama. » Les deux grands élèves, les deux plus grands élèves de Abu Hanifa, rahimahullah, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad Shaybani, ces deux grands élèves, ils ont contredit leur cheikh et leur imam Abu Hanifa dans le tiers de son madhhab, c'est-à-dire dans le tiers de ses positions. Ils n'ont pas dit, ah, c'est notre cheikh, Abu Hanifa, c'est notre imam, on va le suivre aveuglément. Dans tout ce qu'il a dit, on l'accepte. On ne va pas contredire. Non. Quand ils ont étudié avec Abu Hanifa, ils ont appris ses positions. Mais ils n'ont pas dit, on ne va pas étudier avec d'autres, seulement un cheikh. Non. À l'époque, les imams, ils étudiaient avec d'autres savants. L'imam al-Bukhari, dans sa tarjama, qu'on mentionne, qu'il avait... jusqu'à 1000 cheikhs. 1000 cheikhs de qui il a appris le hadith. Quand tu regardes par exemple l'imam al-Shafi'i, avec combien d'imams il a étudié? Parmi ses chouyours, l'imam Malik. L'imam al-Shafi'i. Parmi ses chouyours, il y a l'imam Malik. Il a appris de lui al-Muwatta par cœur. Al-Muwatta par cœur. Hein? Et on dit de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, qu'il avait une mémoire étonnante. tellement qu'il avait une mémoire étonnante que lorsqu'il ouvrait un livre, il devait cacher une page pour pas mélanger les deux. Donc, il regardait une page, il avait une mémoire photographique. Naam. L'imam Chef, il a étudié avec l'imam Ahmad aussi. Et c'est pour ça qu'on dit que l'imam Ahmad, il est le cheikh et l'élève de l'imam Shafi'i, et l'imam Shafi'i, il est lui aussi le cheikh et l'élève de l'imam Ahmad. Et plein d'exemples comme ça, hein, de ces imams. Il y a des livres aujourd'hui, des livres de tarajum, des imams et des ulama qui mentionnent leur biographie, leur histoire, qui ont été leurs chouyours, qui ont été leurs élèves. Et quand vous regardez ces livres-là, vous voyez combien de chouyours ces imams-là ont eu. Hein? Par exemple, parmi les livres Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Hafiz al-Dhahabi, et il y a d'autres également parmi les livres également qui mentionnent la biographie de ces imams-là. Ils ont eu des fois des centaines de chouyours. Donc, Abu Hanifa, il a eu deux grands élèves. Il en a eu d'autres, mais parmi les plus importants, les plus connus, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad. Ces deux-là, ils ont contredit Abu Hanifa dans le tiers de son madhab. Hein, parce qu'après la mort d'Abu Hanifa, rahimahullah, ils sont allés étudier avec d'autres, avec l'imam Muhammad, ils sont allés étudier avec l'imam Malik, et ils sont allés étudier avec d'autres également, hein, et ainsi de suite. Et donc, quand ils ont comparé les connaissances que l'imam Abu Hanifa possédait avec les preuves qu'ils ont apprises, des hadiths qu'ils ont appris de d'autres ulama qu'ils ne connaissaient pas, ou que l'imam Abu Hanifa ne connaissait pas, ou que Abu Hanifa connaissait, mais il n'avait pas de chaîne authentique pour ces hadiths-là. Donc lui, il ne les avait pas acceptés. Tandis que les autres imams, ils ont eu ces hadiths-là avec des chaînes de transmission authentique. Donc ils leur ont transmis ces chaînes-là. Et quand ils les ont appris, ils ont accepté, ils ont changé le madhab. Ils ont dit, ah, Abu Hanifa, il s'est trompé là-dedans. Abu Hanifa, il s'est trompé là-dedans. Notre cheikh, il s'est trompé là-dedans. Ils n'ont pas dit, ah non, notre cheikh, il ne faut pas le contredire. Non, on a... Jamais. Aujourd'hui, tu vois un Hanafi, Allah rahim Allah, alors qu'on sait que les Ahnaf, c'est parmi les... Il y a eu parmi eux des ulamas qui ont été les plus sévères dans la condamnation du taqlid. Pourtant, tu regardes les Awam parmi les Ahnaf aujourd'hui, les Pakistanais, les Turcs, les gens de l'Inde, et ils ont tellement la tête dure dans le fait de vouloir suivre aveuglément le madhab, tu ne peux même pas discuter avec eux. Alors que leur imam lui-même, il a interdit qu'on le suive aveuglément. Donc on va voir des exemples de ça plus loin. Donc il dit ensuite, le cheikh, il met une citation ici, et c'est une citation de Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in. J'espère qu'on aura le temps parce qu'il ne reste pas beaucoup. ثم خلف من بعدهم خلف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل إليهم راجعون جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون والفريقان بمنعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب ولسان الحق يتلو عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. Donc ici le cheikh il cite l'imam Ibn al-Qayyim qui dit, puis sont venus après eux des gens qui ont succédé à ces gens-là, mais des gens des gens qui n'ont pas été à la hauteur, hein, qui n'ont pas été comme eux. Ils ont divisé la religion. Ils sont devenus comme des sectes, chaque parti se réjouissant de ce qu'ils possèdent. Et ils se sont divisés leurs affaires entre eux, chacun ayant des livres vers lesquels ils retournent. Et ils ont fait du fanatisme pour les madahib une religion. Hein? Et c'est par ça qu'ils adoraient Allah. Et ils ont fait de ça leur capital pour faire de l'argent et pour en faire un commerce. Et d'autres parmi eux ont pris la position et ont été convaincus de suivre le taqlid aveugle complètement. Et ils ont dit, comme Allah il le mentionne dans le verset 22, en sourate Az-Zukhruf et dans d'autres versets, nous avons trouvé nos parents ou nos ancêtres sur une voie et nous suivons, hein, nous prenons cet exemple-là et nous suivons cet exemple-là, les traces qu'ils ont laissées. C'est ça qu'on suit. Comme les gens de l'ignorance, les mouchriquins, on suit nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est ça la vérité. Alors que peut-être que ses parents, leurs parents, ils étaient dans l'ignorance ou dans l'égarement, et ils les suivent aveuglément malgré tout. Donc ça, ce n'est pas une preuve. Et il dit, les deux groupes sont éloignés de ce qui est obligatoire et de ce qu'ils devraient suivre, de ce qui est correct. Et il dit, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, « Laysa bi amaniyikum wa la amaniy ahli al-kitab » C'est-à-dire, la vérité, elle ne dépend pas de vos souhaits, ni de vous, ni des souhaits des gens du livre. La vérité, c'est la vérité. Hein? Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, ça c'est une citation de l'imam Shafi'i qui est très célèbre. Qui est très célèbre à ce sujet-là. Il a dit, « Ajma' al-muslimoun » Les musulmans se sont mis tous d'accord, il y a un consensus. « Ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah » sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur le fait que les musulmans se sont mis d'accord sur le fait que celui pour qui la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée, lam yakun lahu an yada'aha li qawli ahadin minan nas, il n'a pas le droit de la laisser pour la parole de quiconque parmi les hommes. C'est-à-dire une fois que la sunna a été clarifiée, et quelqu'un, il te vient par exemple et il te ramène la parole de X ou de Y parmi les hommes, que ce soit un savant ou un imam ou un cheikh ou peu importe, tu n'as pas le droit de laisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de quiconque parmi les hommes, peu importe qui il est. D'accord? Donc si par exemple, toi tu connais le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu connais son authenticité, tu connais sa signification et tu l'as compris. Puis après, quelqu'un il te vient puis il te dit « Non, mais suis pas ce hadith-là. C'est mieux de suivre la parole d'un tel ou d'un tel parmi les gens. » Non, tu dis « Non, non, non. Moi, je suis la parole du messager. » Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَّ التَّعَصُّبَ فِي التَّقْلِيدِ فِي بَابِ الْعَقِدَةِ وَالْأَحْكَامِ قَدْ فَرَّقَ الْأُمَّةِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ أَحْزَابًا وَشِيَعًا ولا يأتي يوم إلا وبعده شر منه كما روى الزبير ابن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, j'ai vu que il y a pas le ta'assub, le fanatisme aveugle et le suivi aveugle dans les questions de la aqida et des règles de la religion ont divisé la Ummah depuis très longtemps et a fait en sorte qu'ils soient devenus des sectes et des groupes et des partis. Et il dit, et il n'y a pas un jour qui arrive excepté que celui qui vient après est pire encore. C'est-à-dire que chaque jour, les choses s'empirent. Et ça, c'est un sujet important parce que le taqlid dans l'aqidah, hein, C'est ça qui a fait en sorte que beaucoup de bid'a se propagent parmi les musulmans et dans la croyance aussi. Parce que quelqu'un, il a dit, « Ah, moi, je suis mon cheikh, il m'a enseigné ça. » Et il ne regarde pas si c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Et il prend des élèves et ses élèves apprennent de lui ce que, la bid'a que lui, il a appris de son cheikh. Et ces élèves-là, eux, vont l'enseigner à leurs élèves par la suite. Et c'est comme ça que de génération en génération, les bid'a se sont propagés. Parce qu'il n'y en a pas un d'entre eux qui dit, eh, « Moi, je vais prendre ce que j'ai appris de nos shuyukh, je vais le ramener au Coran et à la Sunna pour comparer, voir si, est-ce que c'est en accord avec l'islam. » Ils ne font pas ça. Alors, ils continuent dans l'égarement et parfois, de génération en génération, non seulement ils propagent cet égarement et cette ignorance, mais ils rajoutent à chaque génération quelque chose de plus. Donc, ça devient encore plus loin et plus égaré, génération après génération. Après, il mentionne ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, dans Bab al-Fitan. Il dit que Az-Zubayr ibn Adi, il a dit, nous sommes allés voir Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Il dit, ils se sont plaints de ce qu'ils ont rencontré de la part de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, un parmi les dirigeants de l'époque, qui était un des Umara d'Abdul Malik ibn Marwan, si je me rappelle bien. Et lui, il était connu, Al-Hajjaj, pour sa dureté et sa cruauté. Il a tué beaucoup de gens. On dit qu'il a tué plus que 100 000 personnes à son époque. C'est-à-dire, il était très dur. Hein? Alors, qu'est-ce que lui a dit Anas ibn Malik? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, soyez patients et endurez. Parce qu'il n'y a pas une époque qui va venir, excepté que celle qui va la suivre sera pire encore. Donc, si vous vous plaignez aujourd'hui, eh bien, allez, préparez-vous parce que les époques qui vont suivre après vont être pires encore. Donc, soyez patients et endurez. Et il a dit, et je l'ai entendu, et dit, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Donc, et il a dit, je l'ai entendu de votre messager, de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Anas, il dit, je l'ai entendu de votre prophète. Il n'y a pas une époque qui va venir, excepté que celle qui va la suivre va être pire encore. Et on le voit aujourd'hui, à chaque fois. À chaque génération, les gens, ils disent, oh, mais avant, ce n'était pas comme ça. Hein? Pourquoi maintenant, c'est pire? À chaque génération, ça va toujours être pire. Hein? Excepté pour certaines, peut-être certaines petites exceptions, mais sinon, c'est la règle. Et donc, on va compléter, on va terminer ce chapitre, cette introduction. Le cheikh dit, « فَالْخِلَافُ الْعَقَدِي وَالْمَذْهَبِي فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ يَأْكُلُ وَحْدَتَهُ وَلَا يَأْمَنُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ غَوَائِلَهُ لِأَنَّهُ لِأَجْلِ الْإِخْتِلَافِ وَالتَّعَصُّبِ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْخِلَافُ الْفِقْهِيُّ كَانَ وَلَا يَزَالُ سَبَبُ اخْتِلَافٍ شَدِيدٍ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أمر لا مراء فيه وقد أمر الله المسلمين بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتركوا حبل الله وذهبوا يعيشون بحبل من الناس عليه يوالون ويعادون نعم. Donc le cheikh il termine cette introduction là en disant: les divergences dans la croyance et dans le madhab, c'est quelque chose qui a mangé, ou disons brisé l'unité entre les musulmans. Et le musulman, à cause de ça, n'est pas en sécurité vis-à-vis de la déviation ou des problèmes de son frère à cause de la divergence qu'il a et du fanatisme dans le fait de s'accrocher à autre que le Coran et à la Sunna. Et il dit, et les divergences dans le fiqh, il dit, c'était et c'est encore aujourd'hui une cause de divergence très grande entre les musulmans. Et ça, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est une chose connue. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de se cramponner au câble d'Allah tous ensemble et de ne pas diverger. Mais ils ont abandonné le câble d'Allah et sont allés vivre. Hein, et s'accrocher au câble des hommes. Et c'est sur ça qu'il se base pour aimer et pour détester, et ainsi de suite. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il fait, le cheikh? Il mentionne le plan du livre, les différents chapitres qu'on a mentionnés au début. Donc ça, c'est ce qui conclut l'introduction du cheikh. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Au prochain cours, on lira la préface et le premier chapitre, inshallah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.